Marc chapitre 8. En ces jours-là, comme il y avait là une fort grande multitude, et qu'ils n'avaient rien à manger, Jésus appela ses disciples, et leur dit, « Je suis ému de compassion envers cette multitude, car il y a déjà 3 jours qu'ils ne bougent d'avec moi, et ils n'ont rien à manger. Et si je les renvoie à jeun en leur maison, ils tomberont en défaillance par le chemin, car quelques-uns d'eux sont venus de loin. » Et ses disciples lui répondirent, « D'où les pourra-t-on rassasier de pain, ici, dans un désert ?» Et il leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» Ils lui dirent, « 7. » Alors il commanda aux troupes de s'asseoir par terre, et il prit les 7 pains, et après avoir béni Dieu, il les rompit, et les donna à ses disciples pour les mettre devant les troupes, et ils les mirent devant elles. Ils avaient aussi quelque peu de petits poissons, et après qu'il eut béni Dieu, il commanda qu'il les leur mît aussi devant. Et ils en mangèrent, et furent rassasiés, et on remporta du reste des pièces de pain 7 corbeilles. Or ceux qui en avaient mangé, étaient environ 4000. Et ensuite il leur donna congé. Et aussitôt après, il monta dans une nacelle avec ses disciples, et alla au quartier de Dalmanuta. Et il vint là des pharisiens, qui se mirent à disputer avec lui, et qui, pour l'éprouver, lui demandèrent quelques miracles du ciel. Alors Jésus soupirant profondément en son esprit, dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un miracle ? En vérité, je vous dis, qu'il ne lui en sera point accordé. » Et les laissant, il remonta dans la nacelle, et passa à l'autre rivage. Or ils avaient oublié de prendre des pains, et ils n'en avaient qu'un avec eux dans la nacelle. Et il leur commanda, disant, « Voyez, donnez-vous de garde du levain des pharisiens, et du levain d'Hérode. » Et ils discouraient entre eux, disant, « C'est parce que nous n'avons point de pain. » Et Jésus connaissant cela, leur dit, « Pourquoi discourez-vous touchant, ce que vous n'avez point de pain ? Ne considérez-vous point encore, et ne comprenez-vous point ? Avez-vous encore votre cœur stupide ? Ayant des yeux, ne voyez-vous point ? Ayant des oreilles, n'entendez-vous point ? Et n'avez-vous point de mémoire ? Quand je distribuais les 5 pains aux 5000 hommes, combien recueillîtes-vous de corbeilles pleines des pièces qu'il y eut de reste ? Ils lui dirent, 12. Et quand je distribuais les 7 pains aux 4000 hommes, combien recueillîtes-vous de corbeilles pleines des pièces qu'il y eut de reste ? Ils lui dirent, 7. Et il leur dit, comment n'avez-vous point d'intelligence ? Puis il vint à Bethsaïda, et on lui présenta un aveugle, en le priant qu'il le toucha. Alors il prit la main de l'aveugle, et le mena hors de la bourgade, et ayant mis de sa salive sur ses yeux, et posé les mains sur lui, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Et cet homme ayant regardé, dit, « Je vois des hommes qui marchent, et qui me paraissent comme des arbres. » Jésus lui mit encore les mains sur les yeux, et lui commanda de regarder, et il fut rétabli, et les voyait tous de loin clairement. Puis il le renvoya en sa maison, en lui disant, « N'entre point dans la bourgade, et ne le dis à personne de la bourgade. » Et Jésus et ses disciples étant partis de là, ils vinrent aux bourgades de Césarée de Philippe, et sur le chemin il interrogea ses disciples leur disant, « Qui disent les hommes que je suis ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, et les autres, l'un des prophètes. » Alors il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondant, lui dit, « Tu es le Christ. » Et il leur défendit avec menace, de dire cela de lui à personne. Et il commença à leur enseigner, qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, et qu'il fût rejeté des anciens, et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscita 3 jours après. Et il tenait ses discours tout ouvertement, sur quoi Pierre le prit en particulier, et se mit à le reprendre. Mais lui se retournant, et regardant ses disciples, pensa Pierre, en lui disant, « Va arrière de moi, Satan, car tu ne comprends pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes. » Puis ayant appelé les troupes et ses disciples, il leur dit, « Quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, et qu'il charge sa croix, et me suive. Car quiconque voudra sauver son âme, la perdra, mais quiconque perdra son âme pour l'amour de moi et de l'Évangile, celui-là la sauvera. » Car que profiterait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il fait la perte de son âme ? Ou que donnera l'homme en échange de son âme ? Car quiconque aura eu honte de moi, et de mes paroles parmi cette nation adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il sera venu environné de la gloire de son Père avec les saints anges.